les copains, plus on m'en met à l'eau. Lui faut le laisser, je crois qu'il est shit et mauvais délire. Demandez-moi bien, tu sois constant, fais fait vénère. On génère trop de tâches, ça fait papa quand on décélère. C'est la cahier, faut pas fumer le mauvais caillou. Lui faut le laisser, je crois qu'il est shit et mauvais délire. Demandez-moi bien, tu sur la coste en fait vénère. On génère trop de cash et ça fait papa quand on décélère. Quand on décélère, elle fait pense que je suis célèbre. Bah, le réveil est sévère, père qui rame le soleil. Yeah, sortez les GT, les MT, il me faisait l'ancien GTMD. Trois fois plus de liquide, on augmente la quantité du camassé de l'air. 760 chevaux d'un moteur. Je m'endors avec 19 000 dans un motel. J'ai de la cali, t'as senti l'odeur. Je m'endors avec. Ah, c'est la caille, faut pas fumer le mauvais caillou. Lui, faut le laisser, je crois qu'il est shit, c'est mauvais délire. Tout le monde est mouillé bien, tu sur la constante, fait c'est vénère. Thank you.